Ce qui nous amène au New York Times. C'est fort. Toi, t'as pas l'article du New York Times. Toi, t'as l'article sur l'article. Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a l'article du New York Times où c'est le journaliste Krause, K-R-A-U-S-E, qui dit qu'au Québec, les gens sont tellement fous qu'ils sont prêts à voter pour un homosexuel cocaïnomane, puis que son adversaire qui voulait la job a dit qu'elle avait fumé de la marijuana et que son appui populaire a monté de 5%. Ben c'est ça, il dit que c'est bien connu. Les électeurs québécois sont réputés pour leur tolérance. Ils élisent plusieurs gays et lesbiennes et ils semblent penser qu'un leader politique qui n'a pas pris de marijuana manque de joie de vivre. Là, il fait une référence à René Lévesque. Ça, c'est amusant. Il dit, le chroniqueur ajoute que dans les années 70, un premier ministre, René Lévesque, a heurté à mort un sans-abri avec son automobile et a été réélu par la suite. 7 février 77. Edgar Trottier. C'est ça. Il dit, la Corinne parlementaire était dans le char. C'était son char à elle, mais elle conduisait pas. Et il revenait d'un party au château Puy Fromage chez Yves Michaud. Ah oui, Yves Michaud, il avait sa propre compagnie d'importation de vin dans le temps. Personne n'est donc surpris du fait qu'André Boisclair, un gay de 39 ans, qui se vante de son orientation sexuelle dans les talk shows, soit devenu le favori pour remporter la course à la direction du Parti québécois. Et le gars dit aux États-Unis, ce genre de révélation signifie qu'il est plus que temps de songer à une carrière de lobbyiste. Sort de la game. C'est bon. Et ce qui amène le chroniqueur américain à conclure son papier en mentionnant que M. Boisclair reste cependant un politicien éloquent, possédant un diplôme de Harvard et une allure du jeune premier qui tranche avec un groupe d'adversaires vieillissants et manquant de charisme. Et ouais. J'ai le texte de Clifford Krause dans le New York Times d'hier. Ouais. J'ai envie d'essayer de le traduire. Oui, non. T'es bon là-dedans. T'es bon. Les électeurs québécois sont célèbres pour leur tolérance. Ils élisent des gays, des lesbiennes en politique, et ils ont l'air de penser qu'un leader politique qui n'admet pas avoir fumé de la marijuana, c'est quelqu'un qui manque de joie de vivre. André Boisclair est devenu le favori pour prendre la direction du Parti québécois après que des rapports aient été publiés sur sa vie nocturne plus que active. Very lively nightlife. Mais ce qu'on a su, André, de sa vie, là... C'est rien. C'est rien, hein? C'est rien. Apparemment, là... Apparemment, c'était invraisemblable. On parle d'un gars qui revient au bureau le matin avec les clés d'un char loué, puis c'est pas où est le char. Les rumeurs sur la colline parlementaire ont dit que les journalistes ont été très, très, très... complices. Très, très modérés dans ce qu'ils savent sur Boisclair. C'est parce qu'ils veulent pas nuire à la cause. Si c'était un libéral, là, les rumeurs commencent à sortir sur Jean Charest, le personnel. Mais c'est depuis le temps qu'on dit que c'est un paresseux. Mais là, c'est un libéral. Ça va sortir plus vite. Au cours des prochaines semaines, là, ça va commencer à bousculer plus. Là. Les gens commencent à fouiller dans Jean Charest. Ah oui? Oui. En fait, ce que moi j'entends de plusieurs sources, c'est que t'as entendu ça, toi aussi? J'ai entendu en parler, oui. Okay. André Boisclair, donc, il faut pas oublier qu'un premier ministre des années 70 a écrasé et tué un robineux et est allé se faire réélire par la suite. Et donc, personne n'a été particulièrement surpris quand André Boisclair, un gay de 39 ans, qui se vante de sa orientation sexuelle à la télévision, est devenu instantanément le favori d'une course au leadership du Parti québécois. Le vrai test de la largeur d'esprit des Québécois est arrivé le mois dernier, quand un rapport a été publié sur sa vie nocturne à Québec, y compris une consommation excessive d'alcool et une utilisation de cocaïne, alors qu'il était ministre provincial dans les années 90. L'article décrivait des fins de semaine absolument folles, à la fin desquelles tu peux même pas te rappeler à quelle place que t'as laissé ton char loué. C'est marqué ça, là? Oui. Mais ça, wild weekends at the end of which you can't recall where you left your rented car. Mais là, lui, il en dit plus que les journalistes québécois n'ont ben dit. Oui. Là, là. Oui. Il y a pas. Puis on est dans le New York Times. C'est pas. Un, les c'est... journalistes québécois ne nous ont pas dit autant d'affaires que ça. Non. Là. Off the record, oui, mais pas. Ah, pas... ils l'ont jamais imprimé. Non. Monsieur Boisclair a immédiatement fait face à la frénésie des journalistes et ça a augmenté encore quand il a refusé de répondre aux questions. Quand il a finalement admis avoir utilisé de la cocaïne, il refuse toujours de dire s'il en a pris souvent, quand est-ce qu'il a arrêté d'en prendre et à quelle place qu'il l'achetait. Aux États-Unis, comme cite la phrase, ce genre de révélation, habituellement, ça signifie qu'un politicien doit sérieusement songer à devenir un lobbyiste. Dans le cas de M. Boisclair, sa popularité n'a même pas diminué. En fait, elle a augmenté. Elle s'est envolée avec plus de 70% des Québécois disant dans des sondages que son usage de la cocaïne n'était pas un problème. C'est une façon de montrer de la compassion et de la sympathie avec les gens qui sont dans le trouble. Selon le spécialiste, le politologue Alain Gagnon, à l'Université du Québec à Montréal, évidemment, qui expliquait les résultats des sondages. La tolérance est quelque chose qui définit l'esprit québécois. Ça nous est transmis dans notre histoire en raison du fait qu'on a toujours été un peuple dominé. Dans le New York Times, un gars de l'UQAM cité pour dire ce genre de folie-là. On n'a pas de morale, nous autres, c'est parce qu'on est un peuple dominé. On peut pas s'indigner. On s'indigne parce que quelqu'un a dit que les Noirs américains avaient été sélectionnés en fonction de leur force physique et non pas de leur intelligence. Ça, on s'indigne. Mais le futur chef de la nation est un cocaïnomane. Son chef de cabinet a été condamné par la cour pour des vols destinés à payer de la cocaïne alors qu'il était à l'emploi du politicien en question. Est-ce qu'ils ont splitté? Pas un mot. C'est pas un problème. C'est parce qu'on est dominé. Selon une enquête Léger, des sondages d'électeurs qui ont l'habitude de voter avec le Parti québécois, l'appui à Boisclair a grimpé de 53 à 64% après qu'on ait révélé sa consommation de cocaïne. La plus forte de ses 8 adversaires, l'ancien ministre des Finances Pauline Marois, elle est tombée de 24 à 18%. Par contre, au cours des derniers jours, certains sondages indiquent que la lutte serait peut-être devenue un peu plus chaude. Ce que la course au leadership du Parti québécois est devenue, comment ça va finir quand les 137 000 membres du parti vont voter par téléphone entre le 13 et le 15 novembre n'est pas une petite question. Le premier ministre actuel libéral Jean Charest est un désastre dans les sondages. Après une série de bavures et de conflits de travail, ce qui donne au Parti québécois une bonne chance de gagner la prochaine élection en 2007 ou 2008. Boisclair et les autres candidats ont tous promis de tenir un troisième référendum sur la souveraineté après la prochaine élection provinciale s'ils sont élus. Les séparatistes ont perdu le dernier vote en 1995 par une lame de rasoir et le sentiment séparatiste revient en force encore cette année à cause des scandales qui ont touché le gouvernement du pays. Craignant un choc en retour, les adversaires de Boisclair n'ose même pas mentionner son usage des narcotiques. Dans un débat de 2 heures, mercredi soir, ça a été mentionné juste une fois, et juste d'une façon oblique, quand Mme Marois, dans ses remarques de fermeture, a dit « Nous aurons maintenant un point tournant dans notre bataille. Pour réussir, nous devons être au-delà de tout reproche. » C'est aussi proche qu'est allé, ça. C'est une remarque qui reprend une préoccupation de plusieurs intellectuels séparatistes, les éditoriaux du Devoir, le journal le plus séparatiste au Québec. Non, le journal The Leading Separatist Newspaper. Oui, le journal le plus séparatiste au Québec. pose la question à savoir si Boisclair est un homme avec un jugement et la personnalité pour faire face à des crises inévitables qui suivront un référendum, une victoire au référendum, quand Ottawa tentera d'empêcher la séparation. Pierre Martin, spécialiste de la science politique à l'Université de Montréal, affirme qu'Ottawa pourrait lancer les services d'enquête fédéraux sur le dos de M. Boisclair si jamais l'indépendance du Québec se pointe à l'horizon. Mais c'est évident. Le dossier doit être fermé, il doit être complet actuellement. Mais d'après moi, c'est pour ça qu'il ne brasse pas trop de marde. Là, il espère que c'est lui qui va rentrer. Le fédéral, libéral, est... fédéral et provincial, il brasse pas trop de marde sur Boisclair. Non, non. Si d'ailleurs, il rentre, lui, là. Beaucoup de gens disaient que les libéraux étaient furieux que Pauline Marois ait sorti ça, parce qu'ils attendaient Boisclair avec la cocaïne plus tard. Mais là, il va gagner pareil, peut-être, là. C'est un jeu très brutal, dit M. Martin en entrevue. Ça va lui pendre au bout du nez des défis, des enquêtes, d'autres révélations, et ça pourrait rendre les gens plus craintifs de le suivre dans l'aventure de la séparation. M. Boisclair reste un politicien éloquent avec un diplôme de Harvard et une apparence de jeune premier dont la jeunesse fait un contraste avec le groupe de politiciens décrépits et insignifiants qui font la course au leadership. Mais c'est drôle de voir, là, ça continue un petit peu. Lise Payette affirme que les Québécois ont une faiblesse pour les candidats qui reflètent la mauvaise image que les Québécois ont d'eux-mêmes. Nous, les Québécois, on aime nos héros défaitistes, hésitants, alcooliques, peu sûrs d'eux-mêmes, pas fiables, un peu frauduleux et parfois même un peu drogués. Ça nous permet de dire qu'ils sont comme nous. C'est dans le New York Times ce matin, c'est là, hier matin. Une caricature dans la presse conseillait à Mme Marois, la rivale la plus sérieuse de Boisclair, qu'elle devrait peut-être se shooter quelque chose dans le bras pour améliorer son image. Et la semaine dernière, Mme Marois admettait qu'elle avait un jour fumé de la marijuana quand elle était adolescente, mais qu'elle n'avait pas aimé ça. Ses résultats de sondage ont immédiatement monté. Est-ce que les Québécois sont fous? À la défense d'un pédophile dans une garderie, sur le point d'élire premier ministre un cocaïnomane dont le chef de cabinet est un voleur pour payer de la cocaïne, est-ce que les Québécois sont fous, d'après toi? Crois-tu ça, c'est parce qu'on est un peuple dominé, humilié par les Anglais, qu'on se cherche des leaders humiliants? On n'aime pas que les autres aient du succès. Ah, ça, non, ça, c'est certain. Fait que quand on a la chance d'avoir un loser, bon, ben, on aime ça.